Swann se doutait bien que ce qu'il regrettait, c'était un calme, une paix, qui n'aurait pas été pour son amour une atmosphère favorable. Quand Odette cesserait d'être pour lui une créature toujours absente, regrettée, imaginaire, quand le sentiment qu'il aurait pour elle ne serait plus ce même trouble mystérieux que lui causait la phrase de la sonate, mais de l'affection, de la reconnaissance, quand s'établiraient entre eux des rapports normaux qui mettraient fin à sa folie et à sa tristesse, alors, sans doute, les actes de la vie d'Odette lui paraîtraient peu intéressants en eux-mêmes. Considérant son mal avec autant de sagacité que s'il se l'était inoculé pour en faire l'étude, il se disait que quand il serait guéri, ce que pourrait faire Odette lui serait indifférent. Mais, du sein de son état morbide, à vrai dire, il redoutait, à l'égal de la mort, une telle guérison, qui eût été en effet la mort de tout ce qu'il était actuellement.